Mardi 26 septembre, bonjour à tous et à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition. Et sans tarder, en voici les grandes articulations. L'Observatoire national de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLUCOM, est contre une mesure qui aurait été récemment prise par le ministère burundais des Finances, selon laquelle le budget de l'État exercice 2018 sera 100% financé par des ressources internes. Tout bénéficiaire de vache du projet ProDéfi en province Ngozi, c'est au nord du Burundi, doit désormais demander l'autorisation à la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage dans cette province. En international, nous vous parlerons de la prestation de serment ce mardi du nouveau président angolais, remplaçant ainsi le président sortant José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 38 ans. Et la chronique santé de ce mardi nous parlera de l'acte médical par lequel toutes les douleurs sont supprimées, j'ai nommé l'anesthésie. Bienvenue dans ce détail. Le journal est présenté par Mireille Kanyang et la mise en onde est assurée par Jean de Dieu Ndaiseng. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Oh bonjour, parlons agriculture et élevage. Pour débuter ce journal, la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage en province Ngozi, c'est au nord du Burundi, demande à la population bénéficiaire de vaches du projet ProDéfi de ne plus les vendre sans l'autorisation de cette direction. Le médecin vétérinaire chargé de la santé animale en province Ngozi le dit après le constat que certaines acheminent ces vaches au marché, prétextant qu'elles sont malades. Les précisions avec Apollinaire Muzagara. La vente la plus récente est celle de la colline Gaketcheri en zone Ngozi, où un bénéficiaire a vendu un taureau pour acheter une petite génisse à l'institut de la direction provinciale de l'élevage. Après en être informé, le chargé de la santé animale en Ngozi a saisi cette génisse, puis l'a donnée à un autre bénéficiaire solent, docteur vétérinaire Yves Nshimirimana, indique qu'il est strictement interdit, quel que soit le motif, de vendre une telle vache sans l'autorisation de la DPI. Selon cet expert en santé animale, une telle autorisation n'est accordée que pour les vaches stériles ou en cas de vieillesse constatée par la DPI et non par le bénéficiaire. Selon toujours Dr. Yves Nshimirimana, même si le bénéficiaire cède le premier veau à un autre, la vache ne lui revient pas définitivement. Il doit aussi rembourser les frais utilisés pour cimenter l'étable. Mais également, son bénéficiaire doit garder au moins deux vaches descendant de la première offerte par le ProDéfi. Son médecin vétérinaire provincial invite à cet effet la population à surveiller de près les bénéficiaires, étant donné que leur tour viendra par le biais de son système. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à Apollinaire Muzagara pour toutes ces précisions. Page économie de ce journal. L'organisation LUCOM qui lutte contre la corruption et les malversations économiques s'inscrit en faux contre la mesure qui aurait été prise par le ministère des Finances selon laquelle le budget de l'État exercice 2018 sera 100% financé par les fonds internes. Gabriel Rufili, président de cette organisation, appelle le gouvernement burundais à trouver d'autres sources de financement de son budget, éviter de toujours le faire peser sur les épaules de la population. On l'écoute, il a été joint au téléphone par notre confrère Joseph Nsabiabandi. Ces propos tendent à faire croire que la population burundaise va financer à elle seule le budget de l'État 2018. Aux yeux de l'ORICOM, il est incompréhensible que la population burundaise qui croupit dans une misère sano puisse financer le budget 2018. Est-ce que vous avez les preuves que le ministre des Finances a dit cela? Il a prononcé ses propos dans un atelier qui a ouvert la semaine passée à Ngozi. C'était un atelier qui réunissait les cadres de son ministère et d'autres cadres en charge de préparer le budget 2018. Ce sont des propos pour nous irréalistes parce que ce sont des propos qui ne s'appuient pas aux faits concrets. Tout le monde sait la situation socio-économique, voire même politique de notre pays. Même les pays les plus prospères, plus que le Burundi, ne financent jamais à essayer un budget de l'État. Va voir même dans les pays les plus industrialisés, ils ont toujours des déficits budgétaires, ils ont toujours des financements en dehors des taxes et des impôts. Les propos du ministre visent seulement à la propagande, du moins la préparation psychologique à la prochaine hausse des taxes. Est-ce que le LICOM ne serait pas en train de s'opposer au projet du gouvernement? En aucun cas et aucun jour, le LICOM ne peut pas s'opposer au projet du gouvernement parce que, comme vous le savez, le LICOM, quand il critique, il donne toujours des propositions. Alors, quelles sont vos propositions? La première recommandation est de rehausser les impôts sur les revenus des hauts cadres de l'État, comme tout autre fonctionnaire de l'État. La deuxième recommandation demande au gouvernement d'instaurer une taxe sur fortune sur toutes personnes physiques ou morales ayant plus d'une maison construite en matériaux durables ou ayant une maison en deux étages sans avoir un crédit relatif à la banque à ce moment. La troisième recommandation demande au gouvernement de commanditer un audit indépendant de tous les marchés publics depuis 2008, comme la loi sur les marchés publics l'exige en son article 14. Donc ce sont des recommandations, une fois appliquées, le riche et le pauvre vont vivre en harmonie dans un pays prospère et paisible. Gabriel Rufsiri, c'est le président de l'ELUCOM. Toujours en page économie, certains conducteurs de véhicules de la mairie de Bujumbura demandent que l'argent qu'ils doivent payer pour les parkings soit supprimé parce qu'ils n'ont pas de revenus suffisants à donner. Mais d'autres demandent par contre que cet argent soit utilisé à des fins utiles, notamment la propriété de la ville de Bujumbura. Un reportage signé Ornella Mucho, stagiaire à la radio Isanganiro. Sur les différentes routes de la ville de Bujumbura, il se remarque des bandes jaunes qui délimitent la place réservée au parking des véhicules. Les conducteurs d'automobiles doivent payer cette place en considérant le temps qu'ils vont y passer. Certains de ces conducteurs, comme les taximen, indiquent que l'argent qu'on leur fait payer est exorbitant. Il n'est pas facile pour nous de payer cet argent car il se remarque un manque d'argent pour nos clients. C'est comme si on était opprimé. On paie 15 000 francs à Finbank et le bordereau de versement, nous le donnons à la mairie en échange d'une carte d'abonnement. Cette carte nous donne accès à toute la ville de Bujumbura, mais comme le pouvoir d'achat continue à diminuer, nous demandons que cette mesure soit supprimée parce que nous payons beaucoup d'argent au cours de l'année. Certains d'autres conducteurs expliquent que donner cet argent n'est pas un problème quand il est bien utilisé. C'est du paiement que nous donnons aux instances publiques qui sont chargées peut-être de faire de l'ordre dans la ville. Ce que seulement nous pouvons leur dire comme un message, c'est que cet argent dont nous payons soit vraiment rentable sur le terrain. C'est-à-dire que notre ville soit propre pour que tout le monde qui vienne à Bujumbura, qui vienne au Burundi, se sente à l'aise. Parce que si on paye ce parking, en plus tu vas amener ton véhicule, tu gardes tout près de Mondis, c'est vraiment dégueulasse. Ça ne peut pas nous donner un bon esprit de payer cet argent. Cela étant, l'Ombudsman burundais avait demandé à la mairie de Bujumbura de suspendre la perception de cet argent et le rapport du ministère de la Bonne Gouvernance avait montré que l'attribution du marché à la société qui perçoit cet argent était émaillée d'irrégularités. Isanganiro. À 13h04 dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal. La diminution des sources d'eau ainsi que la prolongation de la saison sèche sont à l'origine de la pénurie d'eau dans la ville de Gitega, indique le chef d'antenne de la régie des eaux dans la région centre-ouest, tout en soulignant que la production d'eau a sensiblement diminué. Cependant, à Jean-Claude Manira Kiza indique que des études visant à augmenter la production d'eau dans la ville de Gitega sont en train train d'être menée, nous rapporte Arthur Kavabouchi. Le chef d'antenne de la régie des eaux dans la région centrale, Magnatide Jean-Claude, fait savoir que la pénurie d'eau potable qui s'observe ces derniers jours dans la ville de Gitega est en général due à la diminution des sources d'eau à cause de la prolongation de la saison sèche, ce qui a fait que l'eau a chuté et au quart de la production habituelle. Ce responsable explique également que ce phénomène est lié au changement climatique et au non-respect de l'environnement. Comme il le dit, il y a des sources d'eau qui s'assèchent car des gens y ont construit dessus. L'autre explication que donne ce responsable est que la ville de Gitega, tout comme les autres villes, sa responsabilité se sont agrandies. La ville de Gitega comptait à peu près 3000 abonnés en 2010 côté eau, mais actuellement elle en compte plus de 10 000. Et ce chef d'antenne indique ici que le nombre d'abonnés a augmenté, mais l'eau a continué à diminuer, ce qui fait qu'ils doivent partager le peu d'eau qu'il y a. Cependant, le responsable souligne qu'il y a des études qui sont en train d'être effectuées dans le but d'augmenter la production d'eau dans la ville de Gitega pour que dans le futur, il n'y ait plus de pénurie d'eau. Parmi les travaux qui sont en train d'être faits, il y a aussi un projet d'entretien des sources d'eau qui existe encore, car sans cela, l'eau pourrait manquer. Mais ce chef d'antenne fait savoir que tout cela sera fait si les moyens le leur permet. Pour rappel, il y a plus de 3 semaines qu'il y a pénurie d'eau dans certains quartiers de la ville de Gitega. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Sanganiro. Merci Arthur Kavabouchi pour ces précisions. Parlons football à présent. Le départ de plusieurs joueurs de football qui évoluaient dans le championnat national vers les pays voisins est un manquement pour le championnat national en première division, mais bénéfique du côté de ces joueurs qui vont avoir de bons salaires. Cela est dit par Youssouf Moussi, président de la commission chargée des compétitions au niveau de la Fédération de football du Burundi. Il indique que les joueurs qui sont partis à l'étranger ont été remplacés par des jeunes talents qui amènent du sang nouveau dans le championnat en cours. Suivez plutôt Youssouf Moussi. Il a été joint au téléphone par Évariste Nzikobanyanga. La grande analyse que je peux faire, c'est que maintenant, nous constatons que il y a trop de buts qui sont marqués pendant un match. C'est plus de 2 buts en moyenne. Ce qui veut dire que notre championnat est plus ou moins animé et cela est dû au fait que la majorité des joueurs sont encore jeunes. Ils n'ont pas encore bien assimilé les dispositions tactiques de leurs entraîneurs. Mais on peut être satisfait déjà parce que le fait de marquer, c'est déjà un bon signe que dès qu'ils auront suffisamment assimilé au niveau des schémas tactiques de leurs entraîneurs, ils seront des bons joueurs. Il y a la formation de Vitalo, une formation de renom dans le championnat national en première division qui aujourd'hui a déjà perdu 2 matchs sur 3 qu'elle a déjà livré. Et là, qu'est-ce que vous en dites? Je peux vous dire que Vitalo a été sérieusement démembré. Il y a plusieurs joueurs qui sont partis chercher des lendemains meilleurs à l'extérieur. Donc Vitalo a dû faire un nouveau recrutement. Si je regarde les licences que j'ai déjà signées, au moins sur 25 licences, il y a au moins 22 joueurs qui sont de nouveaux arrivants. Donc, c'est-à-dire que ça doit mettre du temps pour qu'il puisse y avoir une cohésion au niveau de l'équipe. Mais je pense qu'il faut leur donner le temps. Il faut donner aux entraîneurs le temps qu'il faut pour voir s'ils peuvent déjà asseoir un bon système. Et moi, je ne doute pas. Nos joueurs sont encore jeunes. Vous parlez des départs au sein de Vitalo. Aujourd'hui, l'on compte 30 de joueurs qui sont partis à l'étranger. Est-ce que ça, ce n'est pas un manquement pour le championnat national? Bon, de prime abord, on peut dire que c'est un manquement, mais c'est une question de temps parce que ce cas, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça nous est arrivé vers les années 2008-2009, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû batailler très fort. On a essayé d'organiser le championnat selon les standards internationaux et puis nous avons fait appel à des experts qui sont venus former nos entraîneurs pour qu'ils puissent donner de la bonne matière à nos joueurs. Nous avons remarqué qu'après 2 ans, 3 ans, nos équipes ont pu se qualifier au niveau des compétitions africaines dans un bon standing et on a pu aussi se qualifier au niveau du championnat d'Afrique des Nations. Ça, ça a été grâce au travail qui a été abattu. Et je pense que c'est une question de temps. Préparons sérieusement que toutes les parties intervenantes, donc qui doivent intervenir, donc c'est-à-dire les présidents de clubs, les entraîneurs, et puis au niveau de la fédération, il y a le département des compétitions, il y a l'arbitrage, il y a la technique. Si nous nous investissons comme il faut, je suis sûr qu'au bout d'une année, on fera un bilan positif. À 13h, à 10 minutes dans le studio de la radio Isanganiro, page santé de ce journal. Le Burundi a encore besoin de médecins, du matériel et des médicaments pour traiter les maladies cardiovasculaires, comme l'indique le docteur Marc Nimburanira, président de la Société burundaise de cardiologie. Des médecins qui ne dépassent pas le chiffre de 10 au niveau national. Au cours d'une conférence de presse ce mardi, le docteur Nimburanira a indiqué que ces maladies cardiaques sont chroniques, mais les médicaments sont rares et chers. Je vous prie de le suivre. La personne qui a été diagnostiquée avoir une maladie cardiaque, pour la plupart, ils doivent prendre le médicament ou les médicaments tout le long du restant de leur vie. Et la plupart de ces personnes, ils ont soit un seul médicament, il y en a qui peuvent avoir une prescription de 4, 5, voire 6 médicaments. C'est un budget qui n'est pas accessible à tout le monde. On voit que les patients manquent ces médicaments sur le terrain, ils vont les chercher au niveau des pharmacies, ils disent que ces médicaments n'ont pas, ils ne peuvent pas les trouver, même avec la mutuelle de la fonction publique. Ils disent que la plupart de ces médicaments, ils n'en trouvent pas. Au niveau de l'association, notre contribution, c'est un appel à ceux qui peuvent aider pour que ces médicaments soient disponibles au niveau de ces pharmacies et à la mutuelle de la fonction publique, de voir comment faire pour accorder un accent particulier pour ces patients qui ont besoin de les prendre de façon chronique. La liste est longue des maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires sont en train de prendre le dessus par rapport aux maladies infectieuses. Ce qui veut dire que même dans nos pays, surtout dans les milieux urbains, nous sommes en train de voir que ces maladies sont en train de s'installer. Donc il y a cardiopathie ischémique, c'est quand vous avez eu des artères coronaires qui vascularisent le cœur, qui ne sont plus perméables pour assurer un apport sanguin suffisant au niveau du muscle cardiaque. Ce muscle cardiaque qui n'est pas irrigué est infarci, donc perd la contractilité, perd la viabilité, et en conséquence, vous allez avoir un cœur qui a une fonction qui a diminué de capacité, et nous allons évoluer vers une complication. C'est l'insuffisance cardiaque que je vous en ai parlé, quand le cœur perd la force de distribuer le débit suffisant aux autres organes du cœur pour que la personne puisse vaquer convenablement à ses activités. On peut aussi avoir des maladies des valves. Alors, il y a des facteurs de risque cardiovasculaire qui ne sont pas modifiables. Il y a le sexe. L'homme est plus touché par rapport à la femme. Il y a l'âge. La femme a plus de 65 ans et l'homme a plus de 55 ans, sont plus à risque à développer une complication à long terme sur le plan cardiaque. Poursuivant ce journal, certains ménages du quartier Gihosha rural en commune urbaine de Nahangwa n'ont pas de courant électrique depuis samedi dernier. Les habitants de cette localité demandent une intervention de la régie des eaux, car disent-ils, leurs activités sont perturbées. Un reportage signé Vianney Ngendakumana, stagiaire à notre station. Selon les habitants de Gihosha Lilar, cette coupure date depuis samedi de la semaine écoulée. Comme la précise ici cet homme qui exerce le métier de soudier. Depuis samedi, nous n'avons pas de courant électrique ici dans nos quartiers jusqu'à aujourd'hui. Vous entendrez que c'est un blocage pour la vie, car certains d'entre nous vivent aux dépens de ces activités qui nécessitent de l'électricité. Voilà par exemple que ceux qui font de la soudure ou bien qui s'occupent des moulins sont presque assis, sont presque sans occupation. Son manque de courant électrique handicape les activités dans son quartier, comme le salon de coiffure explique-t-il. Dans nos activités quotidiennes, comme nous avons besoin de l'électricité, donc il y a certaines activités qui se sont arrêtées. Par exemple, les salons de coiffure qui ne fonctionnent pas, comme la soudure et les mollets, ainsi que dans notre centre de santé, il y a donc certains examens que nous ne faisons pas. Les informations que nous avons recueillies auprès des habitants qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros, cette coupure serait dite en une panne. La population de ce parti de Guéosha non éclairée demande que ce problème soit vite réglé. Et en zone urbaine d'Ongagara dans la municipalité de Bujumbura, ça fait 5 jours qu'il y a un manque de courant électrique. Ceux qui exercent des activités, y compris des entreprises, parlent d'un important manque à gagner et des difficultés de s'acquitter des frais de loyer. Ils s'étonnent du manque de ce courant au moment où la régie des eaux avait annoncé la fin des délestages. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En page internationale, prestation de serment ce mardi du nouveau président angolais. Il va remplacer l'ancien président José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 38 ans. Et l'escalade verbale se poursuit entre Pyongyang et Washington. Et l'ONU appelle au calme entre les deux parties. Trois Israéliens ont été abattus le matin de ce mardi à l'entrée de la communauté d'art. Un Palestinien armé par un Palestinien armé d'un pistolet. Les détails avec Désiré Nkazohira, stagiaire à la radio Sanganiro. Selon le site de la RFI, c'est ce mardi qu'est prévu en Angola l'investiture de João Lourenço comme le nouveau président. Il succède à Eduardo dos Santos qui venait de passer 38 ans à la tête du pays. La victoire du nouveau président, issu du parti au pouvoir MPLA aux élections générales d'août, a confirmé le passage des relais. Selon toujours la RFI, l'influence de dos Santos restera énorme et son clan gardera le contrôle du pays. Toujours selon la RFI, Pyongyang accuse Washington de provocation verbale, voulant lui déclarer la guerre. C'est lors d'une conférence de presse en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies que le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Yong-ho, a tenu ses propos. Le chef de la diplomatie nord-coréenne a ajouté que son pays a tous les droits d'abattre des bombardiers américains qui s'approcheraient à trop près de ses côtes, y compris s'ils ne sont pas dans leur espace aérien. Le porte-parole de l'ONU a immédiatement réagi, ainsi que le ministre sud-coréen des Relations étrangères, et lance un appel au calme pour les deux côtés. Il était moins de 7 heures ce mardi matin qu'un assaillant palestinien a tiré sur 3 Israéliens qui ont tout de suite perdu la vie. L'assaillant s'est mêlé à un groupe de Palestiniens travaillant dans une colonie de la communauté Dar Adar, en train de passer des contrôles de sécurité pour se rendre sur les lieux de travail, a sorti un pistolet et a tiré sur les agents israéliens avant d'être abattu. Comme continue de le dire le site de la RFI. Radio Isanganiro Chronique. La chronique santé de ce mardi nous parle de l'anesthésie, cet acte médical par lequel toutes les sensations et particulièrement celles de la douleur sont supprimées. Le technicien anesthésiste Luc Sabourere indique qu'il existe deux grands types d'anesthésie administrées selon le type d'intervention. Des anomalies peuvent survenir au cours de l'anesthésie, ce qui exige une surveillance particulière. Les détails avec Lydia Gahimbare. L'anesthésie est la suppression des sensations. Elle peut viser un membre, une région ou l'organisme entier, selon le technicien anesthésiste Luc Stablolele. La stabilité est assurée par l'administration de l'anesthésie. Le chirurgien sera aisé parce que le malade ne sentira pas de douleur. Nous avons deux grands types d'anesthésie. Anesthésie générale, là où le malade est totalement endormi. Et de l'autre côté, on a anesthésie locale générale, là où on bloque les parties. Et parmi les deux qu'on vient de citer, il y a des sous-catégories ou d'autres branches. Ce technicien anesthésiste nous parle également du choix du type d'anesthésie à administrer. En cas d'anesthésie générale, les doses qu'on donne sont administrées en fonction du poids du patient. Au moment où quand on fait l'anesthésie loco-lésionnaire, normalement, on le fait en fonction de la taille du patient. Le choix du type d'anesthésie dépend en général de deux choses. Un, type d'intervention. Deux, l'état général du patient. On peut ajouter d'autres préférences si le patient ne veut pas tel ou tel autre type d'anesthésie, le patient peut proposer. Le patient doit être examiné avant pour vérifier l'efficacité de l'anesthésie. Avant de décider, on examine le patient pour savoir s'il va supporter tel type ou tel autre type. Il y aura des moments où ça ne sera pas facile ou possible d'administrer l'anesthésie locale compte tenu de son état général. Un patient qui saigne, on ne peut pas donner l'anesthésie. Et le corps régional, on doit prendre des précautions. Quand on a les troubles de coagulation, dit ça, ça c'est une autre contre-indication. Certaines complications sont liées à l'anesthésie elle-même. D'autres peuvent survenir de l'état de santé du patient. D'après toujours le technicien anesthésiste Luc Sablolé. Parmi les complications, il y a des complications vraiment qui sont liées totalement à l'anesthésie elle-même ou bien des complications qui surviennent en fonction de l'état général du patient. C'est ce qu'on appelle les effets secondaires liés aux anesthésiques qu'on donne. Vous administrez les anesthésiques. Le malade développe des complications au moment où vous administrez. Par exemple, il peut développer ce qu'on appelle la laryngospasme. Là, les cordes vocales, c'est l'eau obstruée. Ça se rétrécit. Et cela aura comme conséquence, l'oxygène ne parviendra pas à entrer. Là, on est obligé vraiment d'agir très rapidement. Ou bien, le malade peut même avoir de l'arrêt cardiaque. Et les complications que je viens de citer peuvent survenir même au réveil. Avant de subir l'anesthésie, le malade devrait être à jeun en fonction de l'intervention qu'on a faite et en fonction de l'état général du patient. On pourra savoir à quel moment le patient pourra reprendre son aliment. C'est en fonction de son état et de l'état de l'intervention qu'on a faite. Là, on peut vraiment encourager le patient à se reposer vraiment d'une manière stricte. Le malade doit coucher à dos pendant les 24 heures. Jusqu'à 48 heures post-opératoire, quand on a fait la rachie anesthésie, cela lui permettra vraiment de minimiser la survenue des céphalées post-ponction lombaire. Étant donné que l'administration de l'anesthésie exige une assistance médicale permanente, le patient devrait être remis au garde-malade en étant hors de tout risque. Point final donc à ce journal. Merci à vous tous qui l'avaient suivi. Un très bon après-midi à tous et à tous. Au revoir. Isanganiro.